16 ou 31 dièse. Appel en masqué, mon passé me freine. Laisse croire au diable, ses refrains m'entraînent. Je nous vois sous les draps, oublier nos peines. Je veux pas me faire avoir, ne tends pas la main. J'ai beau marcher droit, le mal sur mon chemin. Sur les quais de l'amour, j'ai loupé le train. Mes frères sans fortune connaissent plus l'entraide. J'ai fait du mal pour me soulager. Les démons m'empêchent de dormir. Et quand faut mailler, faut y aller. J'ai fait du mal pour me soulager. Les démons m'empêchent de dormir. Et quand faut mailler, faut y aller. Tu sais qu'il n'y a plus rien. C'est auprès de toi que je me sens si bien. Comment faire un choix, tu mets pas du tien. Cherche meilleur cœur pour cacher mon butin. Il n'y a plus de lien à m'empoisonner. T'as voulu tout prendre mais je n'ai plus rien à donner. Je ne regrette rien, rien à t'avouer. Parfois déception ne trouve plus remède. J'ai fait du mal pour me soulager. Les démons m'empêchent de dormir. Et quand faut mailler, faut y aller. J'ai fait du mal pour me soulager. Les démons m'empêchent de dormir. Et quand faut mailler, faut y aller. Je dors plus, non, non. Dans mon lit, je vois plus personne. Évidemment. Sans toi je me sens hyper seul dans le vide. Oh, la vie m'a mis en hypercute. Je suis dans vide. Je sais qu'elles sont là pour les hommes. Je sais qu'elles sont là pour les hommes. J'ai fait du mal pour me soulager. Et quand faut mailler, faut y aller.